La chenille. Le travail mène à la richesse. Pauvre poète. Travaillons. La chenille, en peinant sans cesse, devient le riche papillon.